Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et ouais, on est au mois de juin, il commence à faire chaud. Et croyez-moi, après ces 2 heures de métal, vous avoir les oreilles encore beaucoup plus chaudes qu'elles ne le sont actuellement. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il n'y aura pas un bout de cérumen qui va résister, comme toujours. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Des nouveautés au nombre de 4, des petites choses un petit peu anciennes, et puis aussi un petit survol de l'actualité, comme chaque semaine. Vous connaissez l'émission, bien sûr, puisque on est là depuis bientôt 20 ans. Et bien, si vous voulez, on va commencer tout de suite très rock'n'roll avec le groupe américain Dirty Honey qui a sorti donc son premier live il y a quelques semaines. Premier live qui sort après 2 albums studio, c'est peut-être un peu juste. En tout cas, ça fait l'occasion d'avoir un bon best-of qui découle vraiment donc du gros hard rock sans âge. Donc, extrait de ce Mayhem and Revelry live, The Wire. On va commencer tout de suite l'émission très rock'n'roll. We'll be right back. indémodable. Putain que ça fait du bien toujours d'écouter ça. Le classique d'Aerosmith, Toys in the Attic, extrait du mythique live bootleg, leur live mythique sorti donc en 1978, ce qui n'a pas pris une ride, un live vraiment brut de pomme comme je l'aime. Juste avant, bah, lui aussi, il est brut de pomme, assez brut de pomme, ce live de Dirty On Air, Mayhem and Revelry Live. Et c'était donc The Wire qui ouvrait donc l'émission ce soir. Première nouveauté, bah ouais, maintenant. Alors là, on va faire du méchant, du furieux, du glauque, avec, on va faire un petit peu de black metal, de medieval black metal, avec un groupe qui s'appelle Darkenhold, qui vient donc de sortir son 6e album, là, tout chaud, tout bouillant, puisqu'il est sorti vendredi. Il s'appelle Le Fléau du Rocher. Et ce soir, je vous invite à découvrir le Codex de la Chevalerie. We'll be right back. Petit moment de douceur, ben vous êtes sponsorisé par tous les ORL d'Orléans et du Loiret qui disent merci à Electric Shock, car après cela, je crois pas qu'il vous reste un petit peu de cérumen dans les oreilles, voire même, vous devez peut-être avoir même les oreilles qui saignent. C'était donc le groupe Cora et son album Ananke, groupe de progressive black metal que vous devez commencer à connaître, parce qu'on a déjà passé pas mal d'extraits depuis ces dernières semaines. C'était donc Wrestling with the Gods, extrait donc de cet album. Juste avant, nouveauté de la semaine, la première, touche au tout bouillant, l'album est sorti vendredi. C'était le sixième album de Darkenhold, le fléau du rocher, avec le codex de la cavalerie, de la chevalerie, pardon. Donc voilà, c'était notre petit quart d'heure black metal. Et bien maintenant, allons faire un petit tour du côté du nord de la France, retrouver les death metalleux de Firewheel et leur nouvelle EP One of Pawn and Kings. Et allons déguster le My Savior, extrait donc de cette EP.

Les Lorrains de Siderals avec leur premier EP Sion Earth sorti fin mai, c'était donc Still Breathing, venu du nord de la France. Firewheel, eux, nous proposaient My Savior sur leur dernier EP One of Bone and Kings. Restons toujours en France, allons faire un petit tour à Saint-Étienne pour écouter les Stéphanois de Evilution. Alors Evilution, je dois avouer que c'est mon petit coup de cœur de ces dernières semaines. Alors c'est un groupe de heavy, power metal qui existe depuis bientôt 20 ans, puisque je crois qu'ils existent depuis 2006. Ils nous ont sorti que deux albums et un EP en... Il y a eu 10 ans entre les deux albums. Par contre, je ne connaissais pas le précédent, je ne pourrais pas comparer, mais je me doute que ça devait être très très bien aussi. Et donc, mélange de heavy classique, de heavy plus épique, de choses presque trash par moment, avec un chanteur très versatile, avec une voix qui s'adapte parfaitement à tous les styles. Bref, un très très beau boulot, et moi je dois avouer que c'est mon coup de cœur de ces dernières semaines. Des morceaux inspirés de Asimov, donc déjà c'est pour vous dire quand même que les gars, ils ont de la culture. Il y en a vraiment pour tous les goûts sur cet album, vraiment magnifique, avec une très belle pochette de Stan Dekkers qui ne gâte rien. On s'en met un petit extrait? Bah oui, parce que je cause, j'ai peut-être envie d'en écouter un petit extrait de nouvel album qui s'appelle donc The Cycle. Et ce soir, bah écoutons Rain of Lies, qui est je crois le single qu'on peut trouver sur internet. Utopia Metropolis, c'est un extrait de Nova Atlantis, le dernier album de King Crown. King Crown, le groupe des frères Joe et David Amorley, ex-Nightmare et King Crown, qu'on a eu la chance de voir début avril lors de la 4e édition du Creekfest à Cléry-Saint-André. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, il y aura encore une 5e édition avec des surprises, d'après ce que m'a dit l'ami Christophe. Donc, à suivre. Avant King Crown, c'était donc Evolution, qui est le petit coup de cœur de ces dernières semaines avec leur deuxième album The Cycle, et on s'est écouté Rain of Lies. Je sais pas pour vous, mais moi je commence à avoir sacrément soif, et un petit coup de pinard, ça le ferait. Ben, ça tombe bien, parce que la deuxième nouveauté de la soirée, c'est un groupe qui s'appelle Mortal Pinard. Alors Mortal Pinard, c'est un groupe qui nous vient de l'Hérault, qui nous propose un punk rock jouissif, à paroles très intellectuelles, qui parle de picole et encore de picole. Donc ce groupe a sorti son premier album, je crois, qui s'appelle Cuvée Tardive. Alors j'ai eu ça presque par hasard. Samedi soir, j'étais de sortie avec des amis et j'ai un pote qui est de Montpellier qui me dit « J'ai un cadeau pour toi ». Alors je me méfie parce qu'en général, quand il me fait un cadeau, c'est toujours quelque chose d'un peu, dirons-nous, douteux. Et là, il me sort de sa poche un CD, il m'a dit « Ça, c'est... On m'a filé ça au radeau où je vais dans mon patelin. » Ou d'ailleurs, c'est des potes au tenancier du bistrot qui donc qui a filé ça. Donc lui, il l'avait en vinyle. Il a dit hey, « T'en as pas un en CD pour mon pote que j'ai un pote qui fait une émission de radio sur Orléans, ça passerait bien. » Donc il m'a filé ça et j'ai écouté. Effectivement, c'est jouissif. Ça donne vraiment envie de faire la fête. Ça donne qu'une envie, effectivement, c'est de sortir une bouteille de pinard et de pogoter partout dans son salon. Bon, ça va être dur de faire ça à la radio, mais enfin, je vais essayer de me tenir quand même. Donc, le morceau que je vais vous passer ce soir, je vais vous dire à votre santé, puisque ça s'appelle Bibine. bénie du monde. Ah. Culte de chez culte, à votre santé, c'était Lino Ricard par Aggressive Agricultor sur son album mythique Éruptation Agronomique. C'était sorti en 1991. Ah, ça fait toujours du bien à écouter ça d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi ça me donne une envie, c'est de boire un petit Ricard. Ça attendra que je rentre à la maison. Après le Ricard, c'était le Pinard, le Mortal Pinard, extrait donc de Cuvée Tardive, et c'était donc Bibine, et c'était également le deuxième morceau de la soirée. Changeons complètement de style, retrouvez le groupe inclassable de Sleep Token avec leur quatrième album Even in Arcadia qui apparemment fait un beau petit carton dans les charts mondiaux un peu partout. Il faut dire que ce mélange un peu improbable de métal, de rap, de soul, de R&B, de techno, enfin c'est vrai que dit comme ça on se dit oh là là, c'est assez imbuvable. C'est vrai que la première écoute ça laisse quelque peu circonspect, mais en tout cas c'est courageux, c'est original. Et moi je trouve que c'est très très bien foutu et il faut vraiment jeter une oreille très intéressée là-dessus. Je comprends leur succès et c'est mérité. Allez, on s'écoute Emergence. Well, you were laying us, living on a promised word. Well, I am the rose you relinquished again. Au cas où vous en douteriez, vous êtes bien sûr Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h, magazine métal. Je sais que j'imagine que parmi vous, les avis sont contrastés. En tout cas, une chose est sûre, c'est vraiment original. Et moi, j'adore vraiment la voix du chanteur. C'était donc Sleep Token avec un extrait de son dernier album, Even in Arcadia. C'était donc Émergence. Changeons à nouveau de style. Allons faire un petit tour sur la réédition du mythique live Jimmy Page and the Black Crowes, qui était sorti initialement il y a 25 ans. Et ressorti avec plein de titres bonus. Ce live at the Greek qui contient maintenant des titres de Led Zeppelin, bien sûr, des titres de Les Black Crowes et des reprises, comme à l'instar de ce Sloppy Drunk Blues. Sloppy Drunk Blues, bah tiens, puisqu'on parlait de Bibine tout à l'heure, on continue, reste dans la même lignée, avec donc extrait donc de ce mythique live. Tout de suite, c'est ce qu'on va s'écouter maintenant, en douceur, ce qui va nous emmener donc à la fin de la première heure d'Electric Shock. We'll be right back. Shapes of Thing, le classique des Yardbirds, Jimmy Page and the Black Rose, extrait de la réédition du Live at the Greek. Et Shapes of Things, bah évidemment, les Yardbirds, c'était le groupe de Jimmy Page avant de fonder Led Zeppelin. Juste avant la reprise des Yardbirds, une autre reprise classique du blues, Sloppy Drunk Blues. Donc tout ça, c'est extrait du Live at the Greek, réédition de l'album mythique de Jimmy Page and the Black Rose. Et on a attaqué la deuxième heure d'Electric Shock. On va se faire donc la troisième nouveauté de la soirée avec un groupe, un trio de rock psyché qui nous vient de Toulouse, qui s'appelle Padang avec 2D, qui existe donc depuis 2020. C'est leur deuxième album, puisque leur premier était sorti déjà en 2023, comme quoi ils n'ont pas vraiment perdu de temps. Cet album qui s'appelle Lost in a Lizard Land était une sorte de concept album. En fait, la biologie, ça n'avait pas faute. Je pense que ça résume bien ce que c'est. C'est la bande originale d'un road movie science-fiction aux airs de prophétie herbertienne, avec influence heavy, psyché, garage et pop. Vraiment, on reste quand même dans le paysage des 70s. Extrait donc de cet album qui est sorti vendredi, ça aussi donc comme vous pouvez voir c'est tout chaud, tout bouillant. On va écouter donc le morceau Predator. Premier album et belle réussite pour les Strasbourgeois de Yojimbo. Donc c'était un extrait de Cycles, leur premier album, comme je vais vous le dire. C'était donc le morceau Gravity. Juste avant Gravity, venu de Toulouse, c'était la troisième nouveauté de la soirée, les Fous Furieux de Padang, leur deuxième album Lost in Lizardland. Et on a découvert ce soir avec le morceau Predator. Si vous écoutez Electric Shock, ben, je pense que vous aimez votre hard rock bien gras, avec des vocaux bien rugueux aussi. Et ben, si vous aimez ce style, Spring Breaker, que je vous ai fait découvrir la semaine dernière, est fait pour vous. Fans d'ACDC et Airborne, c'est le groupe idéal pour passer en soirée avec vos potes et écluser les binous. On y revient toujours, on a eu Mortal Pinard tout à l'heure, le Sloppy Drunk Blues. Comme quoi, c'est vrai qu'en ce moment il fait très très chaud et moi aussi j'ai qu'une envie, c'est de picoler, c'est clair. Donc extrait de l'album Human Comedy, on va écouter Down Inside. Yeah. place your bets. Nothing goes. Fool's Game. Tout ça, bah, c'était Mankind, ce qui était une des nouveautés la semaine dernière avec Feeling Free, extrait de son album Fool's Game. Et ça aussi, c'était une nouveauté la semaine dernière. C'était donc Splint Breaker et son album Human Comedy. Et c'était le morceau Down Inside. Donc, pur rock'n'roll indémodable. Eh bien, on va bientôt arriver à la dernière demi-heure de l'émission, puisqu'il est 20h24 et je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. On va se faire donc la dernière nouveauté de la soirée avec le groupe Praetor. Alors je dois avouer que quand j'ai reçu l'album, j'ai eu une certaine satisfaction. Parce que Praetor, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce groupe metal, de thrash metal franco-luxembourgeois, nous avait déjà sorti un premier album éponyme en 2023. Et pour ma part, ça m'avait vraiment bien plu. Je m'étais dit que c'était un groupe à suivre. Et ben, je me suis pas trompé, parce que ce petit bijou qui malheureusement ne fait qu'une quarantaine de minutes, donc un peu trop court, ça, quand c'est très bon, on a envie que ça dure plus longtemps. Mais bon, vaut mieux 40 minutes excellentes plutôt que 60 minutes avec 40 minutes de bonnes et 20 minutes de remplissage. Alors vraiment, si vous êtes fan de ce qu'on appelle le thrash metal de la B.A.R.A. des années 80, où Metallica, Slayer, Exodus, Testament et autres fleurissaient partout, et ben c'est vraiment le groupe idéal. Donc cet album qui est sorti il y a de ça, ouais, 2-3 semaines, il s'appelle donc The Spiral of Addiction, et on va écouter Carefully Selected. Every fear, and you remove every fear. If it's love. Elles ont l'air charmantes comme ça et pourtant c'est des vraies harpies, les brésiliennes de Nervosa. Et c'est tant mieux parce que qu'est-ce que c'est bon à écouter. Nervosa et son dernier album The Jailbreak sorti en 2023, c'était Endless Ambition. Et Nervosa qu'on a eu la chance de voir récemment à Orléans lors du Hellfest Warm-Up. Et d'ailleurs, elles seront à l'affiche du festival la semaine prochaine. Tiens, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, ce sera un spécial Hellfest, donc pas de nouveautés, mais plein de bonnes choses, comme toutes les semaines d'ailleurs. Donc, Endless Ambition, qu'on vient de s'écouter à l'instant. Et juste avant, c'était donc la dernière nouveauté de la semaine avec les franco-luxembourgeois de Praetor et leur deuxième album, The Spiral of Addiction. Et on a écouté et découvert Carefully Selected. Et bien maintenant, on va revenir à un groupe iconoclaste, bizarroïde, tout ce qu'on veut. C'est Coheed and Cambria et leur dernier volet de leur concept The Father of Make-Believe, dont c'est le troisième album, Vaxis Free. On va écouter Continuum 2, The Flood. Comes Continuum Through the Flood, extrait de Vaxis Free, The Father of Make-Believe. C'était bien évidemment Coheed and Cambria et son dernier opus. Eh ben maintenant, si on revenait, tiens, un petit album live que j'ai un petit peu négligé ces dernières semaines. Bon, faut dire que le live est quand même très court et on a presque tout diffusé. Bien que ce groupe ait une carrière longue comme le bras, par contre, discographiquement parlant, on peut pas dire que ce soit vraiment très nombreux puisque notre groupe n'a fait 4 albums. C'est de Hazen que je veux parler. Et avec ce live un petit peu décevant de par ce choix justement qui ne fait hélas que 40 minutes alors que je pense qu'avec 4 albums, il y avait quand même de quoi faire un live beaucoup plus consistant. Mais enfin bon, c'est 40 minutes. Ça trouve le cul, il n'y a pas à dire. Comme par exemple cette Hypnotized, qui est d'ailleurs extrait à l'origine de Victims of Deception. Donc extrait du live Bleed the World Live. On va s'écouter ça maintenant. Eyes. Hypnotize, extrait du live Bleed the World Live de Hazen. Ça fait du bien, ça. Eh bien, restons aux États-Unis avec un petit album pareil que j'ai négligé ces dernières semaines. C'est le quatrième album des New Yorkais, donc de Sanhedrin, Eat Lightning. Et faisons-nous aussi un morceau assez épique qui s'appelle When the Wheel Became a Chain. When the Will Becomes the Chain, un petit extrait de Heat Lightning, le quatrième album de Sanhedrin. Eh bien, il nous reste encore 4 minutes, c'est-à-dire juste le temps de faire un petit morceau. Eh bien, terminons notre voyage métal en Inde avec Bloody Wood et le morceau qui donne son titre à leur dernier album, c'est-à-dire New Delhi. Et après, on se dira au revoir. Fast contrast, you go find the proof that the love can last. Barely taking over and we making a shift. Cause the Daisy Boys low is no diversity is a gift. Bloody Wood, voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Ne ratez pas la semaine prochaine une émission spéciale Hellfest, comme tous les ans. Donc Electric Shock, c'est fini pour ce soir, mais la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel, puisque Electro Live, Amina et Clubber, c'est tout de suite maintenant. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'as-tu à proposer donc aux Amina et Clubber fans d'Electro Live ? Ce soir, c'est la 97e, donc je vais rejouer la première, la même playlist. Mais avant, je vais jouer quatre nouveaux EP que j'ai sortis cette nuit, en preview. Donc, il faudra peut-être s'attendre à quelque chose de particulier pour la centième ? Je sais pas, on verra. Wait and see. Et là, vous pouvez toujours télécharger dans les bacs les quatre premiers titres. C'est juste une preview, il faut que je les remasterise, mais voilà quoi. Eh bien, Amina et Clubbers, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de rester branché sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.